qui sont dans mon guide, il y a pas mal de soukati na ye. Lokula bozi nangai, awana sina moi. Nyonso yokuma pona ngai, eyo sala pona ngai. Yango ne motema esoki, lokola noye mboya lelo. Ose kiti yangolu, yaba yabona esengo. Motema ebombi eko kite, eko miko bima na maloba. Epiti makasi kati ya moto. I'm going to go to the house. Yes, we papa.